Alors que je n'y croyais plus, c'est arrivé finalement, à la fin de cette même semaine et d'une journée fertile en événements, car le samedi est toujours plus mouvementé que les autres jours à cause de ceux qui triment pendant la semaine et viennent le samedi pour faire le plein d'encre noire. Et souvent, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, pardi. Les retraités sont passés avant eux. Ils ont raflé le meilleur. Et Madame Fargeau doit user de diplomatie. Elle dit qu'un projet est à l'étude qui réduira les emprunts à 3 livres par semaine, au lieu de 5. Mais un projet à l'étude, faut pas se leurrer, ça manque d'attrait. Beaucoup repartent en bougonnant. La bibliothèque allait fermer ses portes. J'avais remis le livre en cours à sa place et m'apprêtais à sortir quand elle a surgi devant moi, parole. C'est comme je le raconte. Elle et moi, face à face, et juste derrière nous, Madame Fargeau, qui n'est plus dans la diplomatie, mais pressée de rentrer au bercail, affirme haut et fort que non, impossible, la bibliothèque ferme à 16h le samedi, et il est déjà 16h12. Madame Roberts a plaidé sa cause, mollement. Je l'ai épaulée avec énergie, mais rien à faire. Nous nous sommes retrouvés sur le trottoir, et bien sûr, j'ai profité de l'aubaine, hein? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Elle se souvenait de moi, de mon nom, et de mes ambitions littéraires. Je lui ai demandé si son œdème de Quink était guéri. Pas encore complètement, qu'elle m'a répondu. Mais c'est en bonne voie. Et nous avons ri ensemble. Je ne saurais dire pourquoi. Peut-être qu'elle se souvenait aussi de Quick, le personnage de BD des années 50. Je lui ai proposé d'aller boire un verre quelque part. Elle a dit oui, avec plaisir. Je n'en revenais pas. Je marchais près d'elle dans les rues étroites du centre-ville qui facilitent l'intimité. Déjà, nous pouvions passer pour un couple. Et je m'efforçais d'avoir fière allure, sans excès, de faire comme si cette promenade à deux était habituelle. Je l'observais du coin de l'œil et vis qu'elle semblait mal à l'aise, sans doute à cause des pavés. Elle ne portait plus le manteau gris ni les godasses défoncées, mais un léger blouson en tissu et des chaussures basses à talons plats. Le grand sac de toile, qui semblait ne jamais la quitter, pendait à son épaule et le tout lui donnait un air collégien. J'étais si ému que je ne savais quoi dire, à part quelques banalités relatives au temps, excessivement doux en ce début de saison printanière, et elle me faisait des réponses du même tabac. La douceur du temps meuble bien une conversation, en règle générale, et celle des coincés du bavardage en particulier. Arrivé place Saint-Sauveur, bien garnie en terrasse, je lui dis qu'on pouvait se poser là, sur cette terrasse encore ensoleillée mais pas trop, face à la cathédrale. Elle a dit « Je préfère à l'intérieur, c'est plus calme. » Nous sommes entrés à l'intérieur où tout paraissait obscur, par contraste. Il y avait peu de monde, beaucoup de tables libres. Nous nous sommes installés dans le fond, près des chiottes et du jeu de fléchettes. Pour être calme, c'était calme. T'aurais dit une caverne, et pour un tête-à-tête, il n'y avait pas mieux. J'ai commandé un demi-pression. Elle a choisi un Kirkassis qu'elle a bu presque d'un trait. Je me suis dit qu'à ce rythme, la glace serait vite rompue, et en effet, d'entrée, elle m'a demandé si vraiment j'avais été clochard. Et où en était la première phrase de mon livre? Deux questions qui n'en faisaient qu'une, puisqu'elles étaient intimement liées. Je lui racontais l'essentiel de cette époque, sans entrer dans les détails. Mon arrivée à Paris vers l'âge de 45 ans, l'équipe formée avec Zizou, nos mains tendues matin et soir, pour assurer la pitance et le glouglou. Puis cette envie brutale, une nuit, d'écrire une œuvre, absolument, une grande et belle œuvre, afin de laisser une trace de moi et un héritage à mes gosses. Elle s'est exclamée, « Vous avez des enfants ?»« Non, pas encore. »« Mais vous avez une compagne ?»« Non plus. » Elle s'est mise à rire, m'a dit que mon affaire était mal engagée. Puis elle a commandé un autre kir, et elle est partie aux chiottes sans attendre la suite. Mais je suis plutôt têtu, et à son retour, je lui ai dit qu'il n'y avait rien d'impossible, que l'espèce humaine était capable de soulever des montagnes, avec un peu de volonté. « Vous parlez de quoi ? » m'a-t-elle demandé. Je n'ai pas osé ramener les gosses sur la table, les petits cons, ils auraient cassé nos verres. De cette envie d'écrire, que j'ai dit, vous savez, la première phrase qui restait en plan, c'est parce qu'elle est mal engagée, elle aussi, comme les gosses, mais je vais me reprendre, changer de direction. « Et vous pensez être capable d'écrire une grande œuvre ?»« Oui, » répondis-je, « l'envie et la volonté, je les ai toutes les deux, c'est certain. » Pour ce qui est du talent, je n'en sais rien. Je ne peux pas être jugé parti. Et je lui racontais comment, au cours des 15 années de misère à Paname, je n'avais jamais cessé d'écrire au crayon sur du papier gras des milliers d'histoires que Zizou trouvait bonnes, mais que moi je n'avais pas le temps de relire, à cause que toutes ces feuilles noircies d'écriture, nous les utilisions pour allumer le feu au moment de la bouffe. Nous mangeons souvent des boîtes de conserve qu'il fallait réchauffer au bras zéro. C'est Zizou qui était chargé de la cuisine. Il me disait par exemple « Je te prends un chapitre pour les raviolis ». Il prenait une poignée de feuilles dans mon sac à dos qu'il jetait au feu. Pas le sac, les feuilles. Madame Roberts, à cet instant je ne connaissais pas son prénom, et elle ne connaissait pas le mien, me regarda droit dans les yeux et déclara « Vous n'avez peut-être pas de talent, mais je suis sûr que vous avez un style enflammé. » Derrière ça, la glace était plus que rompue. Elle éclata en mille paillettes. J'ai commandé une autre tournée, puis après, il y en a eu encore deux autres. Elle est retournée au GOG. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec M. Maréchal, parce que les problèmes de tuyauterie ne touchent pas que les mecs. Les gonzesses aussi veulent y participer. Maintenant, il faisait nuit. La foule en terrasse était moins grande. Mais notre coin se remplissait de monde et de bruit. Madame Roberts a dit qu'il est temps de partir. Je pensais comme elle, mais bien sûr, je ne voulais pas la quitter. Pas aussi vite après avoir attendu si longtemps. Et c'est avec une grande espérance que je lui ai proposé de finir la soirée à la maison, en tout bien tout honneur, de manger sur le pouce, car je n'avais pas grand-chose en réserve, et parler de nos vies jusqu'au bout de la nuit. Elle a dit oui à la première proposition et non à la seconde. La concierge était dans l'entrée de l'immeuble, attendant je ne sais quoi. Il était presque 20 heures, à croire que son métier ne lui laissait pas un instant de répit. Je lui ai balancé un tonitruant. « Bonsoir, Madame Pipelet, qu'elle a gardé pour elle, le menton dans ses godasses, encore imprégné du désordre de l'autre soir. » Dans l'ascenseur, Madame Roberts m'a demandé si la concierge s'appelait vraiment Pipelet. Je lui ai dit qu'elle s'appelait Bron, et qu'elle n'avait jamais été concierge, qu'elle s'était attribué la fonction sans nous demander notre avis, que cela ne semblait gêner ni les locataires ni l'office des HLM, et encore moins l'entreprise de nettoyage employée à cette besogne. Nous convînmes qu'il s'agissait peut-être du seul cas de travail au noir non rémunéré au monde, ou pour le moins dans notre petite ville. Je lui racontai comment, une nuit, j'avais frappé à la porte de Madame Bron, mais bien sûr sans préciser qu'indirectement elle en était la cause, et elle me répondit en riant qu'elle ne manquerait pas de faire pareil tout à l'heure en rentrant chez elle, que cela ne pouvait que consolider Madame Bron dans son rôle de concierge, n'est-il pas ? Elle terminait souvent ses phrases par cette expression interrogative que je trouvais vieillotte mais charmante. Nous entrâmes dans l'appartement et je l'installai d'emblée sur ce qu'il y avait de moins pourri, un canapé convertible à deux places que m'avait donné ma sœur Colette en me précisant qu'il me servirait le jour où j'aurais un ami ou un couple d'amis à recevoir pour la nuit. Mais je n'avais pas d'amis. Le meuble était resté à l'état de canapé depuis le premier jour. Je lui offris une bière. C'est tout ce que j'avais comme boisson, et j'allais en cuisine préparer une omelette pendant qu'elle examinerait ma bibliothèque personnelle composée d'une 30aine de livres. Nous avons mangé d'un bon appétit creusé par la bière et les kirkassis, et bavardé sans interruption jusque tard dans la nuit. Elle me raconta que la première fois, je veux dire lors de notre première rencontre, son attention avait été attirée par le roman d'Émile Ajar que je tenais en main. Elle n'avait pu lire le titre du roman, d'où elle était, mais elle avait reconnu le dessin de la couverture, et c'était, selon elle, le meilleur roman qu'elle ait jamais lu depuis des lustres. Et elle ajouta, non sans malice, qu'à lecture d'Émile Ajar ne pouvait être foncièrement mauvais. Alors, à cet instant, imagine, je planais à 10 000 au-dessus des restes du repas qui encombraient encore la table. À propos du roman, nous divergions quant au sens que l'auteur lui avait donné. Elle voyait dans le texte une grande histoire d'amour entre la chanteuse réaliste et M. Salomon, le vieux juif, qui avait fait fortune dans la confection, une grande histoire d'amour passionnelle et tumultueuse, vieille de 40 ans, à sens unique, et qui s'était transformée en affection paisible. Moi, j'y avais vu surtout la gentillesse, poussée à l'extrême, dans l'ancien boxeur, dont la vie bordélique était entièrement vouée au bonheur des autres. Et il en avait conscience, l'ancien boxeur, quand il disait « J'ai une tête qui ne me ressemble pas ». Mais je lui donnais raison. C'était bien une grande et belle histoire d'amour, un trio plutôt qu'un duo, un trio dans lequel tout le monde s'aimait sans triche. Et on sortait de là un peu meilleur qu'avant d'y être entré. À plusieurs reprises, j'ai tenté d'en connaître davantage sur elle, sur sa vie en dehors de la bibliothèque, et chaque fois, de manière assez adroite, elle détournait la question. Sa vie ne valait pas la peine d'être racontée, Elle vivait seule depuis 7 mois, à 300 mètres de chez moi, d'une pension d'invalidité car elle était malade. Une sorte de dépression chronique profonde qui la plongeait dans le brouillard, même au printemps. Et quand on ne la voyait plus à la bibliothèque, ben il ne fallait pas chercher très loin. « Mais aujourd'hui vous allez bien, n'est-ce pas? Vous êtes rayonnante. » Oui, elle allait bien. La preuve, elle buvait une bière dégueulasse avec un mec inconnu, enfin presque inconnu, et elle prenait dans la bibliothèque personnelle du mec inconnu quelques livres pour meubler son week-end. « J'étais venu emprunter le premier roman de Virginie Despentes, me dit-elle. » Je ne connaissais ni le roman ni son auteur. Je lui fis comprendre du regard, et elle, sans me quitter des yeux, me dit d'une voix douce « Baise-moi. » Merde ! Qu'est-ce qui lui prenait ? Je n'osais plus bouger ni dire un mot. Je la fixais, bouche grande ouverte, tétanisée. « C'est le titre du roman ? » s'empressa-t-elle d'ajouter, avec un sérieux teinté d'ironie. « Oui, bien sûr, le titre du roman. Suis-je bête ? N'empêche que si j'avais raconté l'anecdote chez Néordine, un soir de Rémy, on ne m'aurait pas laissé finir ma phrase. Les vannes seraient arrivées en rafale, putain ! Un sacré appel du pied, qu'aurait gueulé Raymond. Tu veux dire un appel de la chatte ? Qu'il aurait renchéri Babou et Charlie, qui étaient jamais en retard, aurait demandé. Tu lui as mis un coup de pioche dans le barbu ? Zizou, lui, j'en suis sûr, aurait murmuré du bout des lèvres. Pas que ça dans la vie. Mais c'était le titre du roman. Et avant de l'avoir lu, elle me le recommanda chaudement. Me précisa que l'auteur, tout comme moi, avait connu la rue, la manche, l'alcool, les emmerdes qui vont avec, et qu'apparemment, elle s'en était sortie car le livre se vendait bien. J'ai promis de le lire et aussi que pour suivre son exemple, j'intitulerai mon premier roman « Paie-moi à boire ». Toutes les chances étaient de mon côté, mais pour l'heure, la véritable chance se trouvait devant moi, en train de siroter une bière dégueulasse, parfois sérieuse, presque grave, souvent drôle, pleine d'esprit, et pour rien au monde, je n'aurais échangé l'instant. Je crois qu'elle est partie bien après minuit, en me donnant l'impression que c'était à regret. Je lui ai proposé de la raccompagner, de lui appeler un taxi, mais non. Elle n'avait que 300 mètres à faire. La marche lui ferait du bien. En refermant la porte, j'étais partagé entre l'immense bonheur qu'elle m'avait procuré dans ce tête-à-tête et l'angoisse de ne plus la revoir avant longtemps. Car bien sûr, je n'avais pas oublié la dépression chronique et profonde qui l'a précipitée hors du monde. Ce n'est pas ce qu'elle m'avait dit précisément, c'est ce que j'avais compris. Et, comme pour ajouter encore à l'angoisse, je ne savais où la joindre, en dehors de la bibliothèque où sa présence était des plus aléatoires. En ce moment, je n'ai pas le téléphone, qu'elle m'avait affirmé en souriant, et quand je lui ai demandé son prénom, elle avait répondu par une question, quelle importance ? Continuez de m'appeler Madame Roberts, ça me donne un statut social. Quant à l'adresse, je devais me contenter d'une distance de 300 mètres à vol d'oiseau, ce qui est peu, même pour un marcheur d'occasion. J'allais me coucher, mais je ne dormis pas. Petit à petit, l'angoisse disparut sous la couette. Je ne devais pas m'inquiéter, car je ne savais où la joindre, elle, en revanche, connaissait tout de moi, ou presque. Elle pouvait frapper à ma porte, me téléphoner, passer en coup de vent à la bibliothèque, aucune dépression ne lui barrerait le passage. Et quelque chose d'indéfinissable me disait que l'aventure amoureuse entre nous, si d'aventure il devait y avoir, arriverait par elle, à son initiative, que c'est elle qui appuierait sur la détente du flingue que je tenais dans la main. C'était une pensée douloureuse, une pensée sans fondement, comme un songe divinatoire qui annonce la fin prochaine d'un ami ou d'un parent. Mais je n'avais pas d'amis, et ma seule parente resplendissait de santé.